عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلماته وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله والجنة على ما كان من العمل أخرجاه أي متفق عليه رسول عبادة بن صامت رضي الله عنه que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui atteste de la ilaha illallah, c'est-à-dire, nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et un souffle de lui, et que le Jannah, le paradis, est véridique, et que le feu est véridique, Allah le rentrera au paradis, quoi qu'il ait commis comme acte. C'est-à-dire autre que le shirk. Autre que le shirk. Et bien sûr, avec les shurutes. D'accord ? On a expliqué qu'il y a des shurutes qui vont avec. Ce hadith-là est une partie doit être complétée par d'autres ahadiths. Et ce hadith-là, qui est mashhur, ma'roum, ma'rouf, hava min akbar erudud, parmi les plus grandes réponses à ceux qui appellent à وحدة الأديان l'unité des religions. Ce hadith-là le réfute totalement. Et également, on relate les soufis qui exagèrent sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car en premier lieu, il faut attester de la ilaha illallah. D'accord ? Chose qu'aujourd'hui, tu ne trouveras pas chez les Nasara. Les chrétiens ne le font pas. Les Yahoudis peuvent le dire. Ça a été vu que chez les Yahoudis, ils disaient la ilaha illallah. Alors, dans leur langue. Wahdahu la sharika lah. Donc déjà, ça réfute les chrétiens. Car eux, l'ibada, ils l'ont donné à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont donné à Isa, à Jésus, à sa mère, et également à leurs prêtres, et leurs moines, et leurs papes, et tous leurs religieux, et leurs saints. Ce maqal est que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Donc cela réfute qui? Ça réfute les Nasara et les Yahoud. Les Nasara, est-ce qu'ils reconnaissent que Mohammed, c'est le message d'Allah? Là, sûrement pas. Et les Yahoud? Encore moins. Bien qu'ils le savent. Tu leur dis, c'est qui Mohammed? Ils vont dire, c'est le prophète de l'islam des musulmans. Je dis, pour toi, c'est qui? Est-ce que pour toi, c'est un prophète? S'il dit oui, tu dis, pourquoi tu ne l'écoutes pas alors? S'il dit non, il t'aura prouvé qu'il n'y croit pas. D'accord ? Et on sait qu'il n'y croit pas. Et Abduhu, son serviteur, cela réfute les gens qui font des actes de ibadah, shirkiyat avec Mohammed, qui l'invoque, d'accord ? Ou qui prétendent qu'il connaît l'avenir, qui lui attribue des sifat uluhiyya, comment cela va venir dans le livre, Inch'Allah. Ce maqala est que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire Isa qui s'appelle Jésus. Donc, ils disent quoi, les chrétiens ? Qu'il est le fils d'Allah. Le troisième des trois. Ou voire pire, qu'il est Allah directement. Donc ce hadith montre bien que ces gens-là, d'accord, n'entrent pas dans ce jugement-là. L'imbi, il a bien dit que tu attestes que Isa, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc si demain un chrétien te demande c'est qui Isa pour vous, tu vas dire pour nous Isa, c'est Abdullah, serviteur d'Allah. Et son messager. Il va dire, ah non, pour nous, c'est le fils de Dieu. Et il est mort, crucifié sur la croix, pour expier le péché des hommes. On dit non, il n'est pas mort. De un, et deux, c'est pas le fils d'Allah. Donc là, qu'est-ce qui se passe entre nous et lui? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est frère? Si lui dit, t'es mon frère, tu dis, t'es un kazab. Arrête ton cinéma, arrête ton non-hypocrisie. D'accord? Et si le muslim dit au Nasrani, t'es mon frère, il va dire que Nasrani fait takazab, toi aussi. Tu crois pas que c'est fils de Dieu. Et tu crois pas qu'il est mort sur la croix. Donc quand tu dis que je suis ton frère, on n'est pas frère. Donc, des deux côtés, c'est de la comédie. Les chrétiens qui disent les musulmans sont nos frères, vous êtes des menteurs. Et les muslims qui disent aux chrétiens, vous êtes nos frères, vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Et les chrétiens encore pire, car ils mentent sur plein d'autres choses. Donc c'est que du mensonge. C'est pour cela que tout cela va arriver à dire, bah, ça va arriver à s'effondrer. aujourd'hui te parle de Wahdat al-Adyan, faire des projets d'unifier entre les religions célestes, comme on les appelle, prétend du monothéiste, ce n'est pas vrai. La seule religion monothéiste, c'est l'islam. Les autres, c'est du shirk dedans. Et tu verras qu'aujourd'hui, ils font des sourires. Et au fond, quand ils sont en privé, ils s'aiment pas. On va croire. Tu vois le peuple à sourire à l'imam Foulen, au cheikh Foulen, devant la télé, devant la caméra, quand il est tout seul. C'est très bien que ce qu'il lui dit, c'est lui et lui, ils vont pas ensemble. Tu vois? Ils savent très bien. Donc ça sert à quoi si c'est pas sincère? Une union qui n'est pas basée sur la sincérité, elle amène à quoi? Elle amène à l'échec. Elle amène à l'échec. Donc, plutôt que de faire les gens dès maintenant avec leur union, qu'ils disent les choses clairement. Et ceux qui participent sont soit des djuhel, et des gros djuhel, ou alors des munafiqoun et des menteurs. Et ceux-là sont les plus nombreux. Donc il a dit que Isa, c'est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole. Aussi le disent les chrétiens, la parole de Dieu. On dit sa parole, ou est-ce qu'il est son fils, ou est-ce qu'il est Dieu? Vous êtes perdus ou quoi? C'est pourquoi dire? Et un souffle de lui, وَادَ الرُّوحِ مِنَ اللَّهِ عَزَى وَجَلِ, comme ça va venir, c'est un ruh parmi مِنْ أَرْوَحْ لَتِي خَلَقَهَا اللَّهِ, c'est un ruh qui a été créé. D'accord? Un souffle de vie qui a été créé. Donc Isa est créé. Donc s'il est créé, il ne peut pas être Dieu, comme ils le disent. Et comme être un fils d'un juste, tu veux créer également. Et le fait que tu sois créé montre que tu ne mérites aucune part de divinité. On ne doit pas t'adorer. Tu es une créature. Avec tes faiblesses. Taïb. Isa, Wulida, Birei, Ab. Il n'a pas eu de père. Qui d'autre n'a pas eu de père? Naam. Et qui n'a pas eu de mère? Adam n'a pas eu de père. Qui n'a pas eu de mère? Man? Hawa. Ève. C'est tout? Je parle des hommes. Qui n'a pas eu de mère? Il a dit Hawa, sahih? Adam. Adam, Adam, il n'a eu ni père ni mère. Allah l'a créé de sa propre main. Donc lui n'a pas eu ni père ni mère. Hawa, elle, n'a pas eu de mère. Son père, c'est Adam. Elle a été créée de lui. Et Isa, alayhi salam, c'est le contraire. Il a eu une mère, il n'a pas eu de père. Sauf qu'il n'a pas été créé de Mariam. Il a été procréé, c'est-à-dire il a été enfanté. Sauf que Adam n'a pas enfanté Hawa. Allah l'a pris directement de sa côte et l'a créé. D'accord? C'est une différence. Mais Adam, Abul Bachar, c'est le père de l'humanité. Donc il est le père de Hawa Kazalik. Yaqul. Donc ouais, donc le hadith, celui qui croit en cela, Allah Azza wa Jal entrera au Jannah. Donc celui qui ne croit pas en cela, il finit où? Au Nar. Donc les chrétiens, les Nasara, ils vont au Jannah, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en Mohammed, Abdul Rasoul. Les Yahoud Kazalik. Et ce hadith réfute également les Yahoud. Car les Yahoud, qu'est-ce qu'ils disent sur Isa? Non, mais autre, pire encore. Enfin, pire encore, non. On va dire autre chose. Là, il y a le Zem. Mais c'est quoi d'autre qu'ils disent sur lui? Hein? Les Yahoud. Les Juifs, ils disent quoi de Isa? Aïe, que Mariam a fait zina. Wali'azubillah. Parce qu'il n'a pas de père. Sauf dans, chez les chrétiens. Chez les chrétiens, son père, c'est Joseph. Oh, ils ont fait toute une histoire, vraiment, des contes de fées. Hein? Qu'il a un père, c'est Joseph. Et d'un autre côté, bah, son père, c'est Joseph, c'est pas Dieu, alors. Je sais pas, on ne comprend plus rien, alors. On dirait, en fait, Joseph, c'est son père, parce que c'est le mari de Marie, mais c'est pas lui le père qui... T'arrive, vas-y, vas-y. Je dis, va apprendre à te servir de ton cerveau, et après, on pourra discuter, peut-être. Et les trois mages qui sont venus avec leur cadeau. Je sais pas, vous connaissez les trois mages. Vous connaissez les trois mages. Ils sont les trois mages. Voilà. Et de là, vous savez ce qui arrive avec Noël et Kaza et Kaza et Kaza. Donc les Yahoud disent que Isa, Mariam a fait Zina. Parce qu'elle n'était pas mariée, Mariam. Chez les Yahoud. Chez les chrétiens, elle était mariée à Joseph. On dit, vous mentez. Les Yéhoud ont raison sur une part, qu'elle n'est pas mariée. D'autre part, elle n'a pas fait zina. C'est Allah Azza wa Jal qui a insufflé en elle pour qu'elle ça vienne. Alors, pour qu'elle ça vienne. Donc si les fils de zina, Bilash, qui sera par Rasoul pour elle. Et pourtant, Isa, minhum, min haythuna Isa min bani Israël. Isa, c'est un fils d'Israël. Elle est envoyée au bani Israël.